de silence, cette souffrance, un délibit de toute évidence, toute résistance est inutile. Je passe chaque soir seul dans le noir à me morfondre. J'aimerais y croire, mais mes espoirs tombés s'effondrent. Désormais tout va bien, car je sais qu'enfin tout ça sera fini. Quand je serai parti, à chacun son destin. Moi j'ai choisi le mien, je sais que c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. Est insipide. Mon cœur balance dans l'ignorance et me pousse dans le vide. Oui, j'ai si mal, donc l'idéal c'est d'en finir. Mon cœur s'étale d'un froid glacial et puis partez. Désormais tout va bien, car je sais qu'enfin tout ça sera fini. Quand je serai parti, à chacun son destin. Moi j'ai choisi le mien, je sais que c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. Je n'endors même plus la nuit. Ma tête ne fait que de penser si ça ne serait pas mieux ainsi. Désormais tout va bien, car je sais qu'enfin tout ça sera fini. Quand je serai parti, à chacun son destin. Mais moi j'ai choisi le mien, je sais que c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie.